buyo muy nak dal yeungu yeungam ñu jëk ci ndugulu la ko fassé nekkon amal ci ngir ay bis bay di ñew ci la fassé amal kon fo tournoi international li motax mu taxawal tournoi bu ni mel bima xalaté sama activité dama ni nako démarrer fi ci lugo stade bi yalla dafa def dañ ko doon défarat paré nak mu nekk ma sha Allah lo xamni lu neexa xol la ma tan ci njambur bi nga xamni fi la dëkk tan Casa Sport bi nga xamni mo nekkon daw champion au Sénégal ta Casa aussi mo am colonie un peu partout dans le pays ma tan timit ben équipe bo xamni équipe bu président Yaya Jamé la parce que moy armée gambienne ñom depuis 1 mois ngi ni ñom ñu melni gëmé yiñ ko ña ngay préparé wu pour ñew Louga tan timit équipe bo xamni ñu ngoy wax Brazil bu Mauritanie déjà da fay nek lo xamni dana nek tournoi bo xamni lu deugël lay doon et le bax la pour dëkk bi et période biñ ko def aussi mu nek période bo xam nga football sénégalais yi ñi ko bëgg ñëpp dañ football warul ta arrêté mais yenn say da fay am nit ñi il faut ñu nopp mais jamono bobu day fekk damay ñaan rek Sénégal qualifier bu paré samedi bi ñu jëm ci kanamu Ouganda di xaaral dernier tour bi nak ku muy dajal man ma teug ci ben tournoi bo xamni amna yaakar ni Sénégal gep dina ñëw sétane ci ko fi ci Louga ci stade bo xamni bu bes tak la buñu defara bo gisé projet généralement bu ko nit di tek rek dama am lutax bima déggé ni Sénégal da fay am ay difficultés ci am ay ñu muy dajal ci match ci xarito la ni xaaral ma dugg ci créneau bi pour yëm ko exploiter ñu jéxatal basketball bi ak taw bi mo tax